Ce rapprochement du Coran avec la Bible, des deux autres religions monothéistes, nous amène tout naturellement au regard que porte ce Coran sur les Juifs et les chrétiens. Et ces regards sont assez contradictoires. Jugez par vous-même. Ceux qui embrasseront l'islam, après les Juifs et les chrétiens, adresseront au ciel cette prière. Seigneur, fais éclater ta miséricorde pour nous et pour nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Ne laisse point dans nos cœurs de haine contre eux. Tu es indulgent et miséricordieux. Ceux qui ont cru, ceux qui suivent la religion juive, les chrétiens, et quiconque aura cru en Allah et au jour dernier, et qui aura pratiqué le bien, tous ceux-là recevront une récompense de leur Seigneur. La crainte ne tiendra point sur eux, ils ne seront point affligés. Les Juifs disent, les chrétiens ne s'appuient sur rien. Les chrétiens de leur côté disent, les Juifs ne s'appuient sur rien. Et cependant, les uns et les autres lisent les Écritures. Les idolâtres, qui ne connaissent rien, tiennent un langage pareil. Au jour de la résurrection, Allah prononcera entre eux sur l'objet de la dispute. Par contre, dans la sourate 5, vous pourrez lire d'abord au verset 56. Ô croyants, ne prenez point pour amis les Juifs et les chrétiens. Ils sont amis les uns des autres. Celui qui les prendra pour amis finira par leur ressembler. Et Allah ne sera point le guide des pervers. Puis, au verset 85, tu reconnaîtras que ceux qui nourrissent la haine la plus violente contre les fidèles, entendez les musulmans, sont les juifs et les idolâtres, et que ceux qui sont le plus disposés à les aimer sont les hommes qui se disent chrétiens. C'est parce qu'ils ont des prêtres et des moines, hommes exempts de tout orgueil. Voyons maintenant de plus près ce qui distingue les musulmans des juifs et des chrétiens, avec qui nous l'avons vu, ils ont de nombreux textes communs, et je ne les ai sans doute pas tous identifiés. La religion d'Allah est l'islam. Je vous ai comblé de la plénitude de ma grâce. Il m'a plu de vous donner l'islam pour religion. L'islam signifie la soumission à la volonté de Dieu, comme le précise le verset suivant. Fais, ô Seigneur, que nous soyons résignés à ta volonté, donc que nous soyons musulmans, que notre postérité soit un peuple résigné à toi, un peuple musulman. Enseigne-nous les rites sacrés et daigne jeter tes regards vers nous, car tu aimes agréer la pénitence et tu es miséricordieux. Ô croyants, le Seigneur vous a envoyé l'islam et un apôtre pour vous parler des miracles évidents. On vous dit, soyez juifs ou chrétiens et vous serez sur le bon chemin. Répondez-leur, nous sommes plutôt de la religion d'Abraham, vrais croyants, et qui n'était point du nombre des idolâtres. Dites, nous croyons en Allah et à ce qui a été envoyé d'en haut à nous, à Abraham et à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux 12 tribus, aux livres qui ont été donnés à Moïse et à Jésus, aux livres accordés aux prophètes par le Seigneur. Nous ne mettons point de différence entre eux et nous sommes résignés à la volonté de Dieu. Si les Juifs et les chrétiens adoptent votre croyance, ils sont dans le chemin droit. S'ils s'en éloignent, ils font une scission avec vous. Mais Allah vous suffit, il entend et c'est tout. Quiconque désire un autre culte que la résignation à Dieu, donc à l'islam, ce culte ne sera point reçu de lui, il sera dans l'autre monde du nombre des malheureux.